السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا على نعمه الظاهرة والباطنة، كما نسأله سبحانه وتعالى من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ به سبحانه وتعالى من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. أما بعد، فيقول الحافظ يحيى ابن شرف النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث الحادي عشر لأوزيام حديث d'après الحسن fils de Ali qui est le petit-fils du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et sa Rayhana. Donc Al-Rayhana qui est cité dans le hadith est le nom d'une plante qui dégage une bonne odeur, un attribut par lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié, Al-Hassan, lui et son frère Al-Hussein radiyallahu anhuma, qui a dit: j'ai retenu ceci du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: délaisse ce dont tu as un doute pour ce dont tu n'as aucun doute, délaisse ce dont tu as un doute pour ce dont tu n'as aucun doute. Rapporté par Al-Nasa'i et Al-Tirmidhi, qu'il a jugé bon, authentique. Le noble Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah nous dit à propos du rapporteur du hadith qui est Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, le petit-fils du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit rahimahullah: Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu est le petit-fils du messager sallallahu alayhi wa sallam, Sibtun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sibt, le terme qui a été utilisé dans le hadith. Puis il nous dit rahimahullah: Al-Sibt, qui est le mot employé dans le hadith, s'emploie pour le fils de la fille, c'est-à-dire qu'il est le petit-fils du côté de sa mère, qui est Fatima radiyallahu anha. Et quant au fils du fils, c'est-à-dire le petit-fils du côté de son père, alors il est appelé en arabe Hafid. Puis il nous dit rahimahullah: et le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a certes qualifié de Sayyid, c'est-à-dire Al-Hassan. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: mon fils que voici est certes un Sayyid, un maître, et Allah réconciliera par sa cause entre deux groupes de musulmans. Et Allah réconciliera par sa cause entre deux groupes de musulmans, donc par la cause de Al-Hassan. Puis il nous dit rahimahullah: et cela s'est produit comme l'a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam, car après que Ali ibn Abi Talib, donc qui est son père, après qu'il fut tué martyr et que Al-Hassan fut nommé comme calife, il a renoncé à sa place pour la laisser à Muawiyah radiyallahu anhuma. Et Allah a par cela réconcilié entre eux les compagnons de Muawiyah et ceux de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Et il s'est produit par cela beaucoup de bien. Donc par le fait que Al-Hassan radiyallahu anhu ait renoncé à sa place de calife pour la laisser à Muawiyah radiyallahu anhuma. Puis il nous dit rahimahullah: et il est meilleur, donc Al-Hassan, et a plus de mérite que son frère Al-Hussein radiyallahu anhuma. Mais les Rafida, donc les Rawafid, se sont accrochés à Al-Hussein, car le récit de son meurtre éveille de la tristesse, et ils ont donc fait de cela un moyen. Et s'ils auraient été véridiques dans le respect de Ahl al-Bayt, donc de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ils prétendent par le fait de s'accrocher à Al-Hussein, alors ils se seraient plus accrochés à Al-Hassan, car il est meilleur que celui-ci, c'est-à-dire meilleur que Al-Hussein radiyallahu anhuma. Donc cela montre que leur attachement à Al-Hussein, en prétendant par cela s'accrocher à Ahl al-Bayt, n'est pas véridique, mais cela n'est qu'un suivi des passions. Le noble savant, le cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, hafidhahullah, nous dit en commentaire de ce hadith: ce hadith contient le fait de délaisser tout ce dans quoi la personne a un doute et vers quoi son âme n'est pas apaisée, et ce qui lui cause inquiétude ou perturbement, et qu'il se dirige vers ce pourquoi son cœur est reposé et son âme apaisée. Puis il nous dit, Rahimahullah, et ce hadith ressemble à ce qui a précédé dans le hadith de An-Nu'man ibn Bashir, qui est le sixième hadith. Quiconque délaisse, s'écarte de ce qui est équivoque, ambigu, aura préservé son honneur et sa religion. Et quiconque tombe dans ce qui est équivoque, ambigu, tombera certes dans le haram. Puis il nous dit, et ces deux hadiths montrent qu'il incombe aux pieux de ne manger que des biens dans lesquels il n'y a aucune ambiguïté. Cela, tout comme il lui est interdit de manger de ce qui est illicite. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc ici, il cite, hafidhahullah, le fait de délaisser ce dans quoi il a un doute comme nourriture. Et le hadith, comme nous allons le voir, englobe aussi le fait de délaisser ce dont on a un doute dans les choses de la religion quant à leur caractère licite ou illicite. Puis il nous cite, hafidhahullah, certains propos de l'imam Ibn Rajab rahimahullah concernant le sens du hadith qui nous dit. Et le sens de ce hadith revient au fait de s'arrêter lors des choses équivoques ambiguës et de s'en préserver. Car certes, le halal pur, le croyant ne ressent aucun doute dans son cœur quant à celui-ci. Et le doute veut dire l'inquiétude et le fait qu'il soit perturbé. Mais au contraire, son âme est reposée par cela et son cœur est apaisé par cela, c'est-à-dire par le halal pur, le licite pur. Et quant aux choses ambiguës, alors elles font que le cœur soit touché par l'inquiétude et la perturbation qui pousse au doute. Puis il nous dit, rahimahullah, Ibn Rajab, et ici, il y a une chose à laquelle il incombe de prêter attention. Cette chose est que le fait d'être pointueux, d'être minutieux dans le délaissement des choses ambiguës ne convient que pour une personne étant sur la droiture dans tous ses états, et dont les œuvres se ressemblent dans la piété et la crainte. Et quant à celui qui transgresse les choses illicites qui sont apparentes, et qui ensuite veut s'abstenir de choses minutieuses, ambiguës, alors cela ne lui sera pas toléré, mais il sera blâmé pour cela. Cela, comme l'a dit Ibn Omar, radiallahu anhu, à celui qui l'a questionné au sujet du sang des moustiques, c'est-à-dire le fait de tuer un moustique. Cette personne faisait partie des gens de l'Irak, qui venaient de l'Irak. Il a dit, radiallahu anhu, il me questionne au sujet du sang de moustiques alors qu'ils ont tué Al-Hussein. Et j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'ils sont mes deux raihana. Donc le fait d'être minutieux, de vouloir délaisser et s'abstenir des choses ambiguës, se fait après que la personne accourt à se réformer et à accomplir ce qui est obligatoire et à délaisser ce qui lui est interdit de manière apparente. Donc ce hadith pousse le musulman à délaisser ce dans quoi il a un doute pour se diriger vers ce dans quoi il n'a pas de doute. Et cela sera bi'idnillah tabaraka wa ta'ala pour lui une cause menant à ce que son cœur, son âme soit reposée et préservée de l'inquiétude et de la perturbation. Puis l'auteur rahimahullah nous dit, Al-Hafidh al-Nawawi, le douzième hadith, d'après Abu Hurairah radiallahu anhu qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il fait partie du bon islam de la personne le fait de délaisser ce qui ne le regarde pas. Rapporté par At-Tirmidhi et autres comme cela. Le noble savant, le shaykh Abdel Mohsin al-Abbad, hafidhahullah, nous dit en commentaire de ce hadith, le sens de ce hadith est que le musulman délaisse ce qui ne le concerne pas parmi les affaires religieuses et mondaines, dans les paroles et les actes. Et cela sous-entend qu'il fasse des efforts dans ce qui le concerne dans cela, c'est-à-dire dans ses affaires religieuses et mondaines. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc, le musulman tire de ce hadith qu'il doit se concentrer et faire des efforts dans l'accomplissement de ce qui le concerne et ce qui lui est demandé, dans les affaires de la religion et les affaires mondaines. Et à l'inverse, il délaisse et ne se préoccupe pas de ce qui ne le concerne pas, ni dans la religion, ni dans les affaires mondaines. Fait partie du bon islam de la personne, le fait de délaisser ce qui ne le regarde pas, ce qui ne le concerne pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après le sens du verset, et s'ils auraient fait ce à quoi on les exhortait, alors cela aurait été certainement meilleur pour eux et ils auraient certainement été plus raffermis. Sourate An-Nisa, verset 66. Donc le fait que le musulman se concentre sur ce qui lui a été demandé fait partie de la bonté de son islam et fait partie des causes menant à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le raffermisse dans ce qu'il fait. Et cela montre que cette personne se trouve sur du bien. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. Cela aurait été certainement meilleur pour eux et ils auraient certainement été plus raffermis. Donc, le fait que la personne délaisse et ne se préoccupe pas de ce qui ne le concerne pas fait partie de son bon islam. Et à l'inverse, celui qui s'adonne et s'occupe de sujets qui ne le concernent pas et de sujets qui ne lui sont pas demandés, alors cela fait partie de la faiblesse de son islam. هذا من ضعف إسلامه. Puis l'imam Ibn Rajab rahimahullah nous cite un des points les plus importants concernant le fait de délaisser ce qui ne regarde pas la personne. Il nous dit rahimahullah. Et la majorité de ce qui est voulu par le fait de délaisser ce qui ne concerne pas la personne est de préserver la langue des paroles inutiles, des paroles vaines. Comme cela a été indiqué dans les premiers versets de la sourate Qaf, qui sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après le sens du verset, nous avons certes créé l'homme et savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Lorsque les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent, ils ne prononcent pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate Qaf, versets numéro 16 et 17. Puis nous cite, rahimahullah, certaines variantes du hadith venant montrer ce sens. Parmi cela, ce qui a été rapporté dans le Mousnad d'après Al-Hussein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Il fait certes partie du bon islam de la personne le fait de peu parler à propos de ce qui ne le concerne pas. » Donc ici, dans la variante du hadith, le fait de peu parler à propos de ce qui ne le concerne pas. Puis nous cite, rahimahullah, les propos de Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, qui a dit « Celui qui considère ses paroles comme faisant partie de ses œuvres, ne parlera que peu, si ce n'est dans ce qui le concerne. Celui qui considère ses paroles comme faisant partie de ses œuvres, ne parlera que peu, si ce n'est dans ce qui le concerne. » Puis il nous dit, rahimahullah, « Et Allah a certes nié le bien quant à beaucoup d'échanges entre les gens. » Il a dit, subhanahu wa ta'ala, d'après le sens du verset. « Et il n'y a rien de bon dans la plupart de leurs conversations secrètes, sauf celui qui ordonne une aumône ou une bonne action, ou une réconciliation entre les gens. » Surat An-Nisa, verset 114. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a certes dit à Mu'adh ibn Jabal, après qu'il l'ait questionné, à propos du fait que les gens soient pris, soient châtiés à cause de ce qu'ils disent. Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, « Thakilatka ummuk, est-ce que les gens ne seront jetés en enfer sur leur nez pour autre que ce que leur langue ont commis? Est-ce que les gens ne seront jetés en enfer sur leur nez pour autre que ce que leur langue auront commis? » Donc, cela nous montre l'importance quant au fait que la personne préserve sa langue, quant au fait de parler sur les choses qui ne le concernent pas. Et cela englobe les choses qui sont haram, interdites, ou bien les choses qui ne concernent tout simplement pas la personne. Puis, Ibn Rajab rahimahullah nous cite certains athars rapportés de Salaf montrant l'importance quant au fait de délaisser le fait de parler dans ce qui ne concerne pas la personne. Il nous cite rahimahullah un athar, donc un récit qui a été rapporté d'après Al-Hassan radiallahu anhu, d'après Al-Hassan rahimahullah qui a dit « Il fait partie des signes montrant qu'Allah s'est détourné de son serviteur le fait qu'il fasse que son occupation soit dans ce qui ne le concerne pas. » Et d'après Sahl ibn Abdullah al-Tasturi, rahimahullah, qui a dit « Celui qui parle au sujet de ce qui ne le concerne pas sera privé de véracité. » Et d'après Ma'rouf, qui a dit « Le fait que le serviteur parle ce qui ne le concerne pas est un abandon d'Allah. » Intaha kalamuhu, rahimahullah. Hada, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأقوالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce de nous réformer, de nous corriger nos cœurs, nos œuvres ainsi que nos langues. Certes, il est capable de cela et il est certes l'audient, l'omniscient.